Yeah. Ah, game en prix de haut, je vais toucher le sommet. Je vais toucher quoi? Comment rouler doucement à bord d'un AMG? Seul en carte, j'étais visionné. Personne court à te raisonner. Comme toi, je pense au vie pour me consoler. Négro, je parle de tout, je parle de rien. Tête en l'air, j'aimerais avoir tout sans rien faire. Je suis feignant, jaloux, te remercie. À chaque fiche de paix, vrai reconnaissent vrai. Je sais pas qui t'aime. Switch, Stephen Curry dans les jeunes. Qui sommes, nous. Trop de flots, on se les gèle. Je bosse comme un employé, payé comme un employeur. Le lion ne se fait pas plumer. Jamais. Si on croit pas en nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi qu'il fera. 14 ans, ça ne s'oublie pas. Devant l'ennemi, je ne me plie pas. Jamais. Avec mes frères, nous partons batailler. Ton drapeau blanc nous dira d'arrêter. Pourquoi le gâteau, je devrais partager? Dans la mer, tu n'avais pas patogé. Let's get it. Et mon prix de haut, je vais toucher le sommet. Je vais toucher quoi? Comment rouler doucement à bord d'un AMG? Seul en carte, j'étais visionné. Personne pourra te raisonner. Personne. Comme toi, je pense au vie pour me consoler. Shit. Négro, je parle de tout, je parle de rien. Tête en l'air. Blah, j'aimerais avoir tout, sans rien faire. Je suis feignant. Oh, oui. Jaloux, je remercie. À chaque fiche de paix. Vrai reconnaissent vrai. Hein? Je sais pas qui t'aime. Oui, j'ai l'art et la manière. Oui. Réveil, pied gauche. Sourcils français, la manana. Non. Pas le même angle de vue. Quand tu vois si je vois neuf, c'est beaucoup. Pas d'occasion, tout est neuf. Oh ma belle, passe devant moi, je veux voir ce qu'il y a derrière. J'ai ce genre de galanterie qui m'appelle. Soit un frère, soit un traître. Ils m'ont dit c'est impossible. Le succès a répondu, c'est possible. Et mon prix de haut, je vais toucher le sommet. Je vais toucher quoi? Comment rouler doucement à bord d'un AMG? Seul en carte, j'étais visionné. Personne pourra te raisonner. Personne. Comme toi, je pense au vie pour me consoler. Shit. Négro, je parle de tout, je parle de rien. Tête en l'air. J'aimerais avoir tout, sans rien faire. Je suis feignant. Oh oui. Jaloux, je remercie. À chaque fiche de paix. Beaucoup. Frère, on connaisse vrai. Hein? Je sais pas qui t'aime. Non. Jamais.